Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la famine du début des années 20 en Russie et l'aide alimentaire américaine aux Russes. Unexpectedly, without any reason, nobody could explain why Americans came, why they provide food for children. L'historien russe Anatoly Utkin à l'émission American Experience: The Great Famine, diffusée à PBS en 2011, la décision des Américains de venir en aide à la Russie lors de la famine du début des années 20 peut en effet surprendre. Pourquoi l'Amérique capitaliste décide-t-elle de prêter secours à la population affamée de la Russie communiste au début des années 20, au moment où Lénine mène une véritable guerre idéologique contre le monde capitaliste? Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов. Le camarade Lénine qui accuse dans ce discours qui date de mars 1919, Lénine qui accuse les Américains, les Français, les Anglais de tenter de renverser le nouveau pouvoir communiste en place à Moscou pour établir le système des tsars à l'aide des grands propriétaires terriens du pays. C'est dans ce contexte-là de grandes tensions entre le nouveau monde communiste et le vieux monde capitaliste qu'arrivera la grande famine du début des années 20 en Russie et la décision des Américains de venir en aide à la population russe. L'historien André Champagne est avec nous pour nous raconter cette histoire-là, cette crise alimentaire et cette aide américaine à la Russie au début des années 20. André Champagne, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Revenons un petit instant, André, sur ce que Lénine disait, au fond, sur ce grand contexte. C'est mars 1919, l'extrait du discours qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce qui précède, c'est important de le comprendre, cette famine-là? Bon, ben, il faut avoir à l'esprit que les bolcheviks ont pris le pouvoir par un coup d'État dans la nuit du 6 au 7 novembre 1917, et qu'à partir du printemps 1918, le pouvoir soviétique, le pouvoir bolchevique, a été contesté par les anciens partisans du tsar, par des généraux dits blancs, en l'occurrence le général Kolchak, l'amiral Rangel, et puis le général Denikin, qui, eux, profitaient d'une certaine aide des puissances étrangères. Parce que dès le printemps 1919, Américains, Britanniques, Français, Canadiens et Japonais sont intervenus dans la guerre civile russe. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, 1917 et 1921, ce pays-là est en guerre civile. Oui, ce pays-là est déchiré par la guerre civile. Donc, vous avez les armées blanches, les anciens partisans du tsar. Mais vous avez aussi l'intervention de ces puissances étrangères qui est beaucoup moins importante qu'on le pense, mais qui est une occasion en or pour la propagande soviétique pour justifier les mesures drastiques prises par le gouvernement soviétique pour se maintenir au pouvoir. Donc, on va amplifier nettement l'impact de cette intervention étrangère-là. Et cette intervention étrangère-là va alimenter la propagande soviétique jusqu'à la fin du régime en 1991, soit dit en passant. Mais toujours est-il que ce discours-là est prononcé dans ce contexte-là. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la priorité des soviétiques, la priorité des bolcheviks, dès la prise du pouvoir, c'est de se maintenir au pouvoir. Et pour se maintenir au pouvoir, évidemment, il faut, dans un premier temps, il faut assurer le ravitaillement de l'armée et le ravitaillement des travailleurs d'usines qui produisent pour l'effort de guerre. Le problème également, c'est que les paysans, eux, en 1917, ont fait eux-mêmes leur révolution, n'ont pas attendu de mots d'ordre des bolcheviks pour se partager les grands domaines des grands propriétaires terriens. Et pour eux, la révolution était terminée à partir du moment où ils deviennent propriétaires de leurs terres. Et étant donné le contexte de guerre civile, étant donné cette politique dite de communisme de guerre, les bolcheviks, pour assurer le ravitaillement des villes, assurer le ravitaillement de l'armée, envoyaient des détachements armés réquisitionner les récoltes dans les campagnes. Manu militari. Conséquemment, qu'ont fait les paysans? À partir de 1919-1920, ils ont réduit considérablement les surfaces qu'ils cultivaient pour produire pour leurs propres besoins. Exact. Et que leurs propres besoins. Donc, l'offre alimentaire a diminué considérablement. Et étant donné le contexte de guerre civile, étant donné que la Russie avait participé à la Première Guerre mondiale, toutes les relations économiques entre les campagnes et les villes étaient dans un état lamentable. Le réseau ferroviaire avait été anéanti dans l'ordre de 75 à 80. Donc, c'est un pays où régnait le chaos, régnaient les grandes villes. Par exemple, je pense à Petrograd, je pense à Moscou. C'était littéralement dépeuplé. Les gens quittaient les villes parce qu'ils n'arrivaient pas à se nourrir, parce qu'ils n'arrivaient pas à se chauffer. Ouais. Donc, ils erraient dans les campagnes. Donc, c'était ni plus ni moins que sur le plan économique, c'était l'anarchie qui régnait. Et c'est dans ce contexte-là qu'en 1921 survient une espèce de catastrophe naturelle, un hiver extrêmement froid suivi d'un printemps et d'un été sec. Donc, il n'y a pratiquement pas de récolte. Et déjà, l'offre alimentaire avait été réduite étant donné la réaction des paysans face aux réquisitions. Parce qu'en fait, pour qu'on comprenne bien, André Champagne, ces paysans, s'ils cultivaient normalement, au fond, pour faire commerce, pour obtenir de l'argent, vendre leurs produits, en fait, ils pouvaient plus les vendre parce que l'armée réquisitionnait. Donc, on s'est dit, tant pis, moi, je cultiverai pas pour un pouvoir qui ne me paye pas parce que le pouvoir bolchevique ne les payait pas. C'était des réquisitions forcées. Et on prenait même les réserves pour les semailles de l'année suivante. Oui. Donc, les paysans étaient livrés vraiment, n'avaient plus rien du tout pour eux. Oui. Donc, en plus, ce facteur climatique qui arrive avec un premier hiver très, très difficile, et ça va être en fait très difficile pour quelques années. Là. Exactement, parce qu'il y a une sécheresse en 1921. Par-dessus le marché, vous avez une épidémie de choléra et de typhus. Donc, la Russie est dans une situation vraiment précaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Tous les observateurs étrangers qui ont couvert la révolution, qui ont couvert la guerre civile sont parfaitement conscients de ce qui se passe. Et ce qui est étonnant, c'est que le pouvoir bolchevique, pour ne pas se discréditer, pour ne pas démontrer sa faillite, nie la famine, fait comme s'il ne s'était rien passé, et il retarde le moment pour demander de l'aide à l'étranger. Et ça, on va y revenir, parce qu'effectivement, ce délai-là, il faut l'expliquer plus longuement, mais puisque vous parliez des observateurs étrangers, une journaliste à l'époque, Louise Weiss, est envoyée pour un journal français, Le Petit Parisien. Elle est envoyée en 1921 à Moscou et en Russie. On les écoute donc dans une entrevue accordée à l'ORTF en 1969, elle nous parle de ce que ça veut dire bien concrètement cette crise alimentaire en Russie. Quand je suis arrivée à Moscou et que j'ai débarqué à la gare qui m'amenait de Riga, j'ai été saisie par l'aspect de la ville. Dominait la famine. Comme on disait alors, le tsar famine. Les feux de camp étaient allumés dans les rues, quelques malheureux y faisaient cuire quelques légumes, des enfants abandonnés se ruaient dans les rues comme des troupes de rats, ils se réfugiaient dans les marmites d'asphalte, à cuire l'asphalte dont ils avaient fait leurs habitats. On trouvait des nouveau-nés sous les portes cochères abandonnés par leurs parents qui ne pouvaient pas les nourrir. Les asiles ne recevaient que les enfants vraiment abandonnés, c'est-à-dire ceux qu'on ne leur avait pas apportés, mais qu'ils avaient trouvés. Dans les gares, les troupes d'enfants qui allaient chercher des nourritures lointaines étaient un problème pour les autorités. On ne savait plus comment vivre. Les Russes vivent la misère, littéralement, André Champagne. Oui, c'est horrible. C'est horrible. On n'a pas idée la catastrophe économique humaine qu'ont été les premières années du régime soviétique. Et ce qui est étonnant, c'est que ce régime-là passe à travers, est survécu. Ça, c'est vraiment, vraiment étonnant. Parce que c'est fragile encore politiquement. Extrêmement. Et cette période de 5 ou 6 années, il y a la famine par-dessus le marché et le régime va survivre, effectivement. Ça veut dire quoi concrètement? On en a une petite idée avec ce que vient de nous dire Louise Weiss, mais il y a tellement de choses à dire. Si on avait à faire le portrait de ce que ça veut dire très concrètement, quotidiennement, cette famine-là pour les Russes. Écoutez, la population de la Russie en 1920, c'est 130 à 135 millions d'habitants. Il y a à peu près 35 à 40 millions de Russes qui sont menacés vraiment de mourir de faim au moment où se termine la guerre civile en 1921. Les relations économiques ville-campagne sont totalement anéanties. Le pays est redevenu à une économie d'autarcie. Il n'y a pas de relation économique avec le reste du continent. La Russie est abandonnée à elle-même. Ce qui n'aide pas, c'est que le gouvernement soviétique a un choix difficile à faire. Si Lénine et le comité central reconnaissent la catastrophe alimentaire, reconnaissent la catastrophe économique, quelque part, c'est qu'ils font un aveu d'échec de ce mode de cette expérience qu'est le communisme de guerre. S'ils font ça et qu'ils demandent l'aide à l'étranger, quel message ils envoient au reste de l'Europe parce et à l'Amérique du Nord? Parce que c'est un nouveau modèle qu'ils ont créé, exactement, qu'ils inventent. Et ils prétendent que le communisme, c'est l'avenir de l'humanité. Ouais. Alors, si le communisme, c'est ça, non merci, on n'en veut pas. Ouais. Mais en même temps, si on ne demande pas de l'aide à l'étranger, eh bien, c'est des dizaines de millions de citoyens soviétiques qui vont mourir de faim. Et de fait, ce qu'on voit très concrètement durant cette crise alimentaire, c'est des Russes affamés, il n'y a plus rien à manger, c'est des Russes... On va assister, André Champagne, à des pratiques de cannibalisme. On va se promener dans les cimetières. Racontez-moi ça, c'est inouï, bon, ce qui va se passer. Alors, les Soviétiques n'ont rien à manger. Alors, dans un premier temps, on va kidnapper des enfants, des jeunes enfants pour les manger. Il y a des parents qui vont vendre des jeunes enfants parce qu'ils ne peuvent pas les nourrir. Il y a des bandes de voyous armés qui errent dans les campagnes et qui kidnappent des enfants pour les vendre comme si c'était ni plus ni moins que de la viande. Il y a des photos qui ont été prises. C'est malheureusement très, très bien documenté, cette famine-là, où on voit, par exemple, sur un marché, on voit un couple qui vend des morceaux d'enfants. Et cette photo-là, elle est extrêmement saisissante. On voit, il y a des photos qui sont prises de cimetières qui sont gardées par des hommes de l'armée rouge pour empêcher des citoyens soviétiques, la nuit venue, de venir déterrer les cadavres pour les manger. On a déjà mangé tous les chats, tous les chiens, tous les rats. On mange les chevaux. Tout ce qui est mangeable a déjà été mangé. Les pauvres paysans sont obligés de se faire des espèces de bouillies avec la paille qui sert pour les toitures. On va faire de la bouillie avec de l'écorce d'arbre. Et résultat, on voit ces enfants avec des ventres gonflés qui résultent justement de cette mauvaise alimentation-là. C'est une scène, c'est ni plus ni moins qu'une scène d'horreur. D'ailleurs, on prétend que la famine de 1921, c'est la pire crise qu'a connue l'Europe depuis la grande peste de 1348-1349. C'est l'état dans lequel se trouve. Alors, pour les bolcheviks, c'est une catastrophe côté image, côté propagande. Et ça, vous l'avez bien dit, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils vont se dire « on n'en peut plus ». Il faut lancer cet appel d'aide à la communauté internationale. C'est un relent d'humanité, vraisemblablement, de Lénine et des membres du comité central. Et là, on va demander à Maxime Gorky de lancer un appel à la communauté mondiale. Si vous permettez, je vais vous lire ce qu'a écrit Maxime Gorky. Maxime Gorky, qui était un grand écrivain russe, qui avait toujours été un compagnon de route de Lénine et qui avait une crédibilité sur la scène internationale. Il faut écrire un texte vraiment clé très, et important poignant, à tous les honnêtes gens. À tous les honnêtes gens. La tragédie a frappé le pays de Tolstoï, Dostoïevski, Mendeleïev, Pavlov, Moussorgski et autres célébrités mondiales. Si la foi dans les idées et sentiments humanitaires dont la guerre odieuse et la totale absence de pitié des vainqueurs envers les vaincus ont fait perdre de vue l'importance, si la foi dans la force créatrice de ces idées et sentiments doit et peut être restaurée, le malheur de la Russie est une magnifique occasion de démontrer la vitalité de l'humanitarisme. Je demande à tous les honnêtes gens d'Europe et d'Amérique d'aider sans délai le peuple russe donner du pain et des médicaments. Ça, c'est le 13 juillet 1921. Ouais. Et vous avez cet Américain, Herbert Hoover, secrétaire au commerce dans l'administration républicaine du président Harding, qui lit ce texte et qui est interpellé par ce texte. Et qui va donc décider d'aider cette Amérique capitaliste, qui va venir au secours de cette nouvelle Russie, de ce soviétique communiste. Pourquoi? Ben, ça, c'est extrêmement intéressant, votre question. Pourquoi? Parce que pour Hoover, qui a fait fortune dans l'industrie minière, qui est multimillionnaire, Hoover, c'est un homme qui avait organisé l'aide alimentaire aux 7 millions de Belges qui vivaient sous occupation allemande pendant la Première Guerre mondiale. Il y avait également organisé l'aide alimentaire aux populations françaises qui vivaient sous occupation allemande et qui avait, en 1919, qui avait été approché par le président Wilson pour organiser un programme d'aide alimentaire américaine aux pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est malmenés par la Première Guerre mondiale. Donc, il avait développé une expertise dans l'aide humanitaire. Et Hoover, pour lui, c'est une occasion en or pour deux raisons. Première des choses, c'est que les agriculteurs américains, pendant la Première Guerre mondiale, afin d'approvisionner, de ravitailler la France et la Grande-Bretagne en produits alimentaires, ils avaient augmenté considérablement les surfaces cultivées. Oui. Et là, une fois la guerre terminée, ce marché semblait se vouloir se fermer. Donc, les producteurs agricoles américains étaient pris avec des surplus extrêmement importants. Alors, d'une part, on pouvait vendre ces stocks-là. Et deuxièmement, Hoover se disait ceci. En organisant un plan d'aide alimentaire à la Russie, on pourra démontrer à quel point l'économie de marché, l'économie capitaliste, c'est la voie de l'avenir, ouais, et que le communisme a failli. La preuve, cette catastrophe alimentaire, cette catastrophe, ouais, humanitaire. Donc, pour lui, il y avait des raisons à la fois économiques et à la fois politiques. Mais en même temps, et c'était le dilemme d'Hoover et c'était le dilemme des Américains, c'est que si on venait en aide à la Russie soviétique, on permettait la survie du régime. Ouais. Alors que si on ne venait pas en aide, bon, évidemment, il y a des dizaines de millions de personnes qui seraient mortes de faim et probablement que le régime serait mort de sa belle, ouais, mort. D'autant plus, André Champagne, que, encore une fois, à ce moment-là, le régime soviétique est encore fragile et on est dans le délire idéologique et de propagande. Je vous propose d'écouter à nouveau cette journaliste qui débarque à Moscou en 1921, Louise Weiss, qui nous parle de cette grande entreprise propagandiste en parallèle avec la grande famine des années 20. En dehors de ce spectre de la famine, la ville était dominée par l'entreprise idéologique communiste. Partout des drapeaux rouges, des faucilles, des marteaux gigantesques, partout des affiches disant « prolétaires de tous les pays, unissez-vous », partout de grandes images des généraux réactionnaires vaincus, partout l'image de l'Internationale triomphante. Alors, malgré ce contexte de propagande, André Champagne, les Américains vont décider d'aider les Russes nouvellement communistes. On l'a vu, Moscou tarde à faire cet appel à l'aide. Quand les Américains sont les premiers à lever la main, à dire présent, comment réagit Moscou à cette offre d'aide américaine? Avec une certaine réticence. Pourquoi? Parce que les bolcheviks ont un certain côté paranoïaque. Et ce que Lénine et certains membres du comité central se disent, c'est que les Américains vont probablement profiter de ce programme d'aide alimentaire-là pour envoyer des espions, pour essayer de développer des réseaux d'espions, des réseaux de citoyens qui pourraient œuvrer contre le régime soviétique pour essayer de le déstabiliser et de le renverser. Donc, il y a cette crainte-là. Ouais. Mais d'autre part, on a absolument besoin de cette aide-là. Et ce qui est intéressant, c'est que les négociations qui vont se faire entre ce qu'on va appeler l'American Relief Administration et le gouvernement soviétique, c'est que les Américains sont catégoriques. Nous imposons nos conditions et, elles ne sont pas négociables. Nous, tout ce que nous intéresse, c'est d'organiser le ravitaillement alimentaire de des régions les plus sinistrées. Nous voulons tout simplement, nous avons les moyens, nous avons la logistique pour acheminer les produits agricoles alimentaires des États-Unis vers la Russie soviétique, mais nous voulons être responsable de la distribution. Donc, l'American Relief Administration aura à peu près 380 agents qui vont agir sur le terrain. Ils vont ouvrir 18 000 cantines dans les régions sinistrées et ils vont ouvrir également 1800 hôpitaux. Et pour mener à bien cette tâche-là, ils doivent être aidés par des citoyens soviétiques. Oui. Mais attention, ça prend des citoyens soviétiques qui parlent anglais, ou le français. Donc, des gens extrêmement dangereux pour le régime bolchevique parce que c'est des gens de l'élite de la société tsariste. Oui. Très souvent, ce sont des enfants de nobles, des enfants de familles princières. Ce qu'on appelle les anciens à l'époque, c'est-à-dire, que les communistes vont appeler les anciens. Et Staline, éventuellement, les fera tous disparaître en les appelant les gens du passé. Les gens du passé. Pourquoi? Parce qu'ils appartenaient à l'ancienne classe dirigeante. Oui. Mais, en 1921-22, on a absolument besoin d'eux. Mais, alors, que fait le gouvernement soviétique? Il va tout simplement placer des agents de la police politique, la Tchéka, un peu partout pour voir justement comment se passent les relations entre les 300 Américains qui œuvrent sur le terrain et ces gens-là, pour voir et surtout si les Américains ne sont pas là pour discréditer le régime soviétique et faire la promotion de l'économie de marché. Donc, c'est dans un climat de très grande méfiance. Ouais. Et d'ailleurs, Staline va se venger un peu. C'est vraiment une triste ironie du sort. C'est russe, donc, ces gens du passé qui aident les Américains et là, on parle vont être envoyés au goulag dans les années 30. Exactement. On parle de 80 à 100 000 citoyens soviétiques qui ont participé à l'American Relief Administration. Et ces gens-là vont tous disparaître pendant les 30. Ceux qui n'auront pas immigré, qui seront encore en Russie pendant la Grande Terreur, vont tout simplement être arrêtés, la grande majorité fusillés. Et leur seul tort, c'est d'avoir eu des contacts avec les Américains, donc d'être suspect aux yeux de Staline. Dernière question, André. On voulait parler parce que ça frappe l'imaginaire, puis parce que ça a été une des plus importantes contributions. On a parler des États-Unis qui aident les Russes, mais il y a d'autres pays. L'appel est lancé partout. D'autres pays vont participer. La Croix-Rouge internationale, dirigée par le grand explorateur norvégien Hamsun, va également organiser un programme d'aide alimentaire et ils pourront nourrir près d'un million de citoyens soviétiques. Il y aura également une certaine aide apportée par les différents partis communistes et les syndicats de certains pays européens qui vont se faire un point d'honneur de venir en aide, étant donné la fraternité internationale avec la classe ouvrière. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les Américains vont quand même nourrir pendant presque 2 ans entre 10 et 11 millions de citoyens soviétiques. Et ils vont acheminer en Russie les graines qui vont permettre d'ensemencer la terre pour les récoltes de 1922 et de 1923. L'aide américaine a été déterminante, a permis de sauver 10 à 11 millions de citoyens soviétiques. Mais ce qui est un peu étonnant puis ironique, c'est que ça a permis la survie du régime soviétique. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que l'histoire a oublié. Oui. Et on n'en parle plus de ça. On n'en parle pratiquement plus. Il n'y a pas eu de reconnaissance, d'ailleurs, officielle, jamais, des Russes. Pratiquement pas. Sur le bout des lèvres. Oui. Et les Américains, c'est devenu extrêmement ironique. Pourquoi? Parce que le grand responsable de ce programme d'aide-là, Herbert Hoover, va devenir président en 1928 et c'est lui qui est à la Maison-Blanche au moment où éclate la grande crise économique. Et fait presque rien pour son propre peuple affamé. Et ce Hoover, qui était reconnu en 1922-23 comme le plus grand humanitaire au monde, il va passer à l'histoire comme ce président qui n'a rien fait pour venir en aide à sa population. André Champagne, historien, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci, André. Je vous en prie. Fascinant, merci. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Alex Leclerc. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.